Peut-être que ça va s'arrêter. Voilà. Voilà. Donc Poutine est très fâché, il y a toujours la guerre, l'Ukraine, etc. C'est malheureux ce qui se passe. Les gens ne se rendent pas bien compte de ce qui se passe dans le monde. Ils sont tous cloîtrés dans leur maison à faire les imbéciles, là, à faire ce qu'ils ont envie. Mais s'ils voyaient la vérité, parce que la vérité n'est pas bonne à dire, mais quand on dit la vérité, quand on est franc, ça blesse. Moi, j'ai toujours dit la vérité en face des gens. On m'a fait du mal. Moi, je me dis, Dieu Tout-Puissant, quand ils vont les affronter, ils vont l'affronter, ils verront qui c'est, le Dieu Tout-Puissant. À part ça, j'ai vu quelques matchs de foot. Bon, zéro, là, depuis que Bernard Tapie est décédé, là, Yahmo. Le foot, ça n'a plus de valeur. Entre l'Angleterre et l'Allemagne, qui se font manger 3-3, l'Allemand, normalement, les Allemands, ils déchirent au foot. Bon, ça, j'ai pas compris. Après, les Français qui perdent, j'ai encore moins compris. Je sais pas, faudrait refaire le foot, hein. Parce que là, c'est un peu du n'importe quoi. Les gens dans la rue font crari, marchent et tout. Hein, moi, je vous calcule pas, me parlez-moi pas. Parce que moi, je mets des droites et des coups de boule. Je cherche pas à comprendre. D'accord? Le message est passé. Alors foutez-moi la paix avec mon homme. Et mêlez-vous de vos affaires. Balayez devant votre porte avant de regarder ce qui se passe chez moi. Ça va, c'est clair le message? Allez, hasta luego. Allez, Ignacio. On peut Alors avoir. moi, je vais passer parler du dessin qui est juste à côté là, qui me rappelle Raon ou un autre truc que je collectionnais à l'ancienne. J'avais toutes les images et tous les trucs. Je trouve que c'est très bien et que la femme est très belle. On peut avoir peut-être l'avis du monsieur que partage la vie. On peut avoir votre avis. Vous pouvez parler si vous voulez, hein, allez-y. Ça marche. Le protège beaucoup, voilà. Ah non, mais ici on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Bien sûr, dans la vie, faut être, je ne sais pas, on a le droit de faire tout ce qu'on veut, parce qu'il y a Dieu Tout-Puissant. On a le droit de faire tout ce qu'on veut tant qu'on est dans la légalité. Oui, Les voilà. gens font ce qu'ils veulent, mais n'importe comment. Ils se permettent C'est bon? je parle juste dans les bus. Ils se permettent de dégrader des bus. On leur Ouais. a rien demandé de manger dans le bus, laisser la crasse. C'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Mais moi, je vais leur mettre Dubaï, moi, dans Bondi, moi. Il y aura le Karcher, hein? Sarkozy, il a dit, je vous passe au Karcher. Mais moi, Ouais. si je vous bois, c'est moi qui vais vous arroser au Karcher. Bah Bondy, vous êtes prévenu, hein? Non, mais il faut être. Bon, moi j'ai parlé de la paix, hein, parce que moi je vis avec elle. Et je Aïe. parle que de paix, et je peux faire que ça, hein, sinon on fait la guerre, Ouais. bien entendu. Moi je souhaite la paix à tout le monde. J'espère qu'il y aura un peu plus de solidarité dans ce monde qui commence à devenir très individualiste. J'espère que les gens vont se réveiller. J'espère que le peuple va se réveiller. Et qu'on aura le droit de voir une belle et belle, belle France. Parce que là, on voit une France dégueulasse. Ouais. Où toutes ces valeurs sont à terre. J'espère que les. Nous, on l'a vu, les anciens, on a vu un peu la belle France. Mais j'espère que la nouvelle génération, on va pas leur laisser ça comme spectacle. Voilà. Un message de paix, un bel avenir pour tout le monde. Ouais. Bravo. Et bonjour, bienvenue. Ouais, bienvenue. Il est 17h et actuellement 5 minutes. Vous êtes sur Radio Métanoïar. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 28 septembre en direct de Bondy. Et c'est l'anniversaire à Flo. Joyeux anniversaire, Flo. Eh ben, bon anniversaire à Flo. D'ailleurs, si vous êtes né un mercredi 28, si vous êtes né un 28 septembre, pardon, C'est la bon Saint anniversaire quoi? à vous. C'est la Saint quoi? Ah bon? C'est la Saint quoi aujourd'hui? Ah, je sais pas. Sainte-Marie, sûrement. Non, je pense pas. Donc on avait un programme, je pense. Je vais laisser la parole Elle est à ma consoeur. Ah yes, je peux avoir le... Comme le psychologue. Ok, bah écoutez. Ouais, monsieur Cousty-Vincent. On aura l'annonce de la radio. Je suis con, putain. On va avoir Tania avec le chant qui va nous faire I Have Nothing de Whitney Houston. Qui va nous oh, parler super aussi, qui va aussi nous parler du décès de la reine. Je chante avec elle. Moi, je lui chantais Michael Jackson, elle a chanté Whitney Houston. Ça va faire un de ses mélanges. Ouais. Et elle va aussi nous parler du décès de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Ensuite. Eh ben, c'est que moi et Tania qui parlons aujourd'hui, j'ai l'impression, parce qu'après, il y a moi qui vais vous parler d'une musique. Ensuite, il y a Tania qui va rechanter pour Vivre pour le meilleur de Johnny Hallyday. Ah, moi aussi. Il y aura Ignaltino qui va nous parler du tableau que nous avons juste en face de nous, qui est magnifique. Et comme dit très bien Ignaltino, la femme est très bonne. Moi, je suis Johnny Hallyday, je te promets. Ouais. Non, non, mais la meuf qui est dessinée. Oui, oui. Et enfin, on aura Black Ace qui nous fera une chanson aussi. Ah, Black Ace. C'est une chanson aujourd'hui. Et il y aura Jamila qui va nous chanter, je te promets. Non. Bon. Et bah, une autre chanson oh, d'amour. Oh, bah super ça, je bravo. Je vais faire le thème pour une autre chanson d'amour. Putain. Attends. Non, c'est un peu de. Plus, hein. Voilà, tu peux avoir du papier. Attends, si il y en a là, je me transforme en Michael Jackson. Ah, excuse-moi, je pourrais avoir du papier, s'il te plaît. Mais si, là. Ouais, t'inquiète. Non, je t'affiche. Non, du papier, du mouchoir. Ah, mouchoir, c'est parce qu'il y a le café qui est tombé. Bon, bah écoutez, on va vous laisser avec Tania qui va nous chanter. Merci. On va. Oui, bien sûr. Nous sommes en direct chaque mercredi entre 17h et 18h sur Radio Métanouillard, en compagnie du grand et de l'unique Martin Carrasco Baquero, l'unico, el hijo del Chile, comme on dit. Oui, bonjour, on galère. Allô, on galère un peu là, comme d'hab. Parce qu'on n'a pas les matériels, on n'a pas les connexions, il y a une panne de connexion internet à l'hôpital, donc du coup, on fait qu'on peut avec ce qu'on a. Et donc tout le monde est bienvenu. Et puis on a un programme vaste aujourd'hui qu'on va essayer d'accomplir pendant que j'essaye de résoudre les galères en parallèle dès l'émission. Voilà. Et ben on va écouter tout de suite Tania, merci, avec I Have Nothing de Whitney Houston. Thank you.